L'homme dans la foule par Edgar Allan Poe. Ce grand malheur de ne pouvoir être seul. La bruyère. On a dit avec raison d'un livre allemand, Erlasst sich nicht lesen, il ne se laisse pas lire. De même, il est des secrets qui ne se laissent pas raconter. Chaque nuit, les malades expirent dans leur lit, les mains dans celles d'un confesseur, fixant leurs yeux égarés sur le calme visage d'un consolateur inutile. Ils expirent le désespoir dans l'âme et avec des convulsions dans la gorge à cause de l'horreur des mystères qu'ils n'osent révéler. Car, hélas, la conscience humaine se charge parfois d'un fardeau si lourd qu'elle ne peut le déposer que dans la tombe. Et c'est ainsi que des crimes, auprès desquels les assassinats ordinaires ne sont que des actions blâmables, restent à jamais ignorés des hommes. Il y a quelque temps, vers la fin d'une soirée d'automne, j'étais assis dans l'embrasure d'une des larges croisées du Café D à Londres. À la suite d'une longue maladie, j'entrais en convalescence et le sentiment de mes forces renaissantes m'inspirait une de ces heureuses dispositions où l'on éprouve du bonheur, rien qu'à respirer, et où la curiosité, cet appétit de l'esprit, est vivement excité. Ce qui, à un autre moment, m'eût causé un profond ennui, était devenu un passe-temps agréable. Le moindre incident, le sujet le plus futile servait d'aliment à ma pensée. Un cigare à la bouche et un journal sur les genoux, je m'amusais tantôt à parcourir les annonces, tantôt à observer les habitués qui se succédaient dans la salle ou les gens qui passaient sous les fenêtres. Le Café D est situé dans une des rues les plus passagères du quartier commerçant de Londres, rue qui, dès le matin, est encombrée de voitures et de piétons. Vers l'heure du dîner, le nombre des passants s'était tellement accru que lorsqu'on alluma les réverbères, la foule se croisait devant le café en deux courants compacts. Jamais je ne m'étais trouvé dans la cité à cette heure affairée, et le spectacle de cette mer de têtes humaines avait pour moi le charme de la nouveauté. Je cessai donc de m'occuper de ce qui se passait dans la salle, pour me livrer à la contemplation de la scène extérieure. Mes observations prirent d'abord une tournure abstraite et générale. Je considérai les passants en masse, envisageant la foule comme un être collectif. Bientôt, cependant, je descendis au détail. J'examinai avec un intérêt minutieux les variétés sans nombre de figures, de costumes, de démarches et d'expressions. La grande majorité de ceux que je passais ainsi en revue avaient l'air satisfaits et affairés. Ils ne songeaient qu'à biaiser à travers la foule pour arriver plus vite au but de leur course. Sous leurs sourcils foncés, on voyait briller des yeux préoccupés qui ne lançaient que de rapides regards. Lorsque, par hasard, un passant les heurtait, ils ne témoignaient aucune impatience, mais rajustaient le vêtement dérangé ou redressaient le chapeau ébranlé sans interrompre leur marche. D'autres, classes presque aussi nombreuses, au visage animé et aux mouvements brusques, gesticulaient comme s'ils se fussent sentis seuls à cause de la densité même de la foule qui les enveloppait. Lorsque ceux-ci se trouvaient arrêtés dans leur marche, ils interrompaient leur monologue et attendaient, un sourire stéréotypé sur les lèvres, que l'obstacle eût disparu. Si on les poussait, ils saluaient d'un air agréable et allaient ainsi au-devant des excuses qu'on ne leur adressait pas toujours. Ces deux classes n'offraient aucune particularité bien saillante. Leur mise était celle qu'on qualifie de décente. Ils représentaient évidemment les nobles, les négociants, les avoués, les marchands, les agents de change, les eupatrides et les banalités de la société, les hommes de plaisir et les hommes d'affaires. Ni les uns ni les autres ne me parurent dignes de fixer longtemps mon attention. La tribu des commis était également facile à reconnaître. Il y avait la jeune bureaucratie, pimpante, l'habit serré, la botte et les cheveux luisants et la lèvre dédaigneuse. À part une certaine pétulance d'écoliers en vacances, les façons de ces aristocrates du pupitre offraient un fac-similé fidèle de ce qui avait été le plus suprême bon ton 15 mois auparavant. Ils s'affublaient de modes et de grâces déjà mises au rebut. Les galériens de la plume, ceux qui font beaucoup de besogne pour peu d'argent, se reconnaissaient à leurs habits râpés et à leurs chapeaux rouillés. Çà et là, on distinguait le caissier ou le représentant d'une vieille et solide maison à son habit noir ou marron largement étoffé, à sa cravate blanche, à sa chaussure carrée et à ses guêtres. Ceux-ci étaient plus ou moins chauves et le haut de leur oreille droite, s'éloignant du crâne, semblait s'avancer au-devant de la plume familière. Je remarquai qu'ils se servaient invariablement de leurs deux mains pour ôter ou rajuster leurs chapeaux et qu'ils portaient des montres à répétition suspendues à des chaînes d'une épaisseur respectable. Ils affectaient l'honnêteté ou plutôt leur honorabilité, avaient à leur insu déteint sur leurs vêtements. J'avisais aussi certains individus mis avec une élégance équivoque et que je rangeais sans hésitation dans la classe de ces êtres distraits qui cherchent leur bourse dans la poche de leurs voisins. Je les examinais avec curiosité et je m'étonne maintenant que d'autres que des filous puissent jamais se tromper sur leur profession. Il me semble que l'ampleur commode de leurs manches et la franchise excessive de leur physionomie doivent toujours les trahir. Les chevaliers du tapis vert étaient plus reconnaissables encore. Je les retrouvais sous toutes les formes, depuis l'impudent bravache en cravate de fantaisie, en gilet de velours, décoré de bijoux faux, jusqu'au clergyman, à la tenue scrupuleusement sévère, auquel on serait tenté de confier sa bourse. Cependant, un œil exercé ne tarde pas à reconnaître ces Grecs modernes. Quelque bien déguisés qu'ils soient, on les reconnaît à une certaine nuance jaunâtre du teint, à quelque chose de terne et de sournois dans le regard et à la compression de leurs lèvres pâlies. Il y a d'ailleurs deux autres signes qui sont pour moi des indices infaillibles, une douceur cauteleuse dans l'intonation de la voix et un écartement plus qu'ordinaire du pouce qui forme presque un angle droit avec les autres doigts. Souvent, en compagnie de ces industriels, j'observais les oiseaux de même plumage, mais dont l'habileté n'a besoin ni de cartes biseautées, ni de dépipés pour vivre eux aux dépens du public crédule. Ces derniers affectent, les uns une tenue de dandy, les autres une allure militaire. Les premiers ont de longs cheveux et des sourires inépuisables, les autres adoptent la redingote à brandebourgs boutonnés jusqu'au menton et un air martial. Descendant quelques marches de l'échelle sociale, et laissant là la gentilhomie, je retrouvais des sujets d'observation plus sombres. Des brocanteurs juifs, dont les yeux de faucon éclairent un visage où tous les autres traits portent l'empreinte d'une servilité abjecte. Des mendiants robustes et impudents, effarouchant du regard de vrais pauvres, que la misère seule contraint à tendre la main. Des malades hâves et décharnés, sur lesquels la mort a déjà posé sa main inexorable, dont le pas est chancelant, et qui semble chercher dans chaque visage qui passe quelque consolation de rencontre, quelque espoir longtemps perdu. Les ouvrières modestes, regagnant après un long travail leur foyer solitaire, et reculant plus craintives qu'indignées devant les regards des gens dont elles ne peuvent pas même éviter le contact. Des courtisanes de tout âge et de tout étage. La beauté dans l'éclat de sa maturité qui rappelle cette statue dont parle Lucien, statue taillée dans le marbre, mais creuse et comblée d'ordures à l'intérieur. Les haillons de la fille usée dont le vice même ne veut plus et qui, édentée, ridée, plâtrée, fait un dernier effort pour singer la jeunesse. L'enfant, à peine formé, mais savante déjà dans les ignobles coquetteries de son affreux métier, et qui brûle de la triste ambition de paraître aussi corrompu que ses aînés dans la carrière. Des ivrognes arrivés à tous les degrés de l'abrutissement, les uns vêtus de lambeaux sordides, trébuchant à chaque pas, la parole pâteuse, le visage meurtri et l'œil hébété. D'autres, la lèvre épaisse et sensuelle, au visage franc et rubicon, marchant avec une crânerie que l'état de leurs jambes avinées est loin de justifier. D'autres, dont le costume jadis élégant est encore soigneusement brossé, s'avançant d'un pas dont l'élasticité est suspecte, les traits effrayamment pâles et les yeux hideusement rouges et égarés. D'autres, cherchant d'une main impuissante à saisir au passage tout objet qui semble devoir leur prêter un appui. Enfin, au milieu de tout cela, clairsemés, des portefaix, des charbonniers, des orgues de barbarie, des chanteurs de ballades, des crieurs de journaux, formaient un ensemble bruyant et agité qui blessait l'oreille comme une note fausse et fatiguait le regard. À mesure que la nuit avançait, l'intérêt que je prenais à cette scène allait croissant. Non seulement le caractère général de la foule changea à mesure que l'élément calme disparaissait avec les gens paisibles, et laissait se dessiner dans un relief plus hardi toutes les infamies que l'obscurité d'une grande ville appelle lors de leurs repères. La clarté du gaz, d'abord affaiblie par leur lutte avec les dernières lueurs du jour, victorieuse enfin, répand sur chaque objet un reflet fantastique. Tout est sombre et resplendissant à la fois, comme ce bois d'ébène auquel on a comparé le style de Tertullien. Les effets bizarres produits par cette lumière incertaine me firent passer insensiblement de l'examen des masses à celui des individus. La rapidité avec laquelle les passants se succédaient ne me permettait pas de donner plus d'un coup d'œil à chaque visage, mais grâce à ma disposition d'esprit, il me semblait que, dans ce court intervalle, j'y pouvais lire l'histoire de bien des années. Le front appuyé sur une vitre, je continuai ma revue lorsque je vis apparaître une physionomie qui enchaîna à l'instant mon attention. Il faudrait se figurer Prométhée enchaîné à son roc pour se faire une idée de l'expression de ce visage, tant elle annonçait une individualité à part, une personnalité n'ayant rien de commun avec la généralité des hommes. Ma première pensée à l'aspect de cette tête, c'était celle d'un vieillard de 65 à 70 ans, fut que si Redge l'eût vue, il n'aurait pas manqué de la placer sur la tête de son Satan. Je cherchais à analyser les sentiments inscrits sur ce visage, et voici que le mélange paradoxal que je crus y lire, puissance mentale, astuce, parcimonie, cruauté, sang-froid, vengeance satisfaite, allégresse, terreur et désespoir. Ces traits exercèrent sur moi une espèce de fascination. Quelle étrange histoire, me dis-je, est enterrée dans cette poitrine. Puis je fus saisi d'un désir irrésistible de ne pas perdre cet homme de vue avant d'avoir appris quelque chose sur son compte. Endossant à la hâte mon paletot, je saisis mon chapeau et m'élançai dans la direction que je l'avais vu prendre, car déjà il avait disparu. Ce ne fut pas sans peine que je parvins à le rejoindre, aussi je résolus de le suivre de près, mais de façon à ne pas éveiller son attention. Je pus alors l'examiner à loisir. Il était petit de taille, d'une maigreur excessive et apparemment très faible. Ses vêtements étaient usés et déchirés, mais grâce à l'indiscrétion des becs de gaz placés de distance en distance, je vis que son linge, quoique sale, était d'une finesse extrême. Si mes yeux ne me trompèrent pas, je crus voir, à travers une déchirure de l'espèce de paletot dont il était enveloppé, briller la lame d'un poignard. Ces découvertes ne firent qu'attiser plus vivement encore ma curiosité et redoubler l'ardeur de ma poursuite. La nuit était venue, et un épais brouillard, qui depuis le matin planait sur la ville, se changea enfin en une pluie fine et obstinée. Ce contretemps donna une impulsion nouvelle à la foule qui s'abrita sous une forêt de parapluies. Les ondulations et le bourdonnement recommencèrent de plus belle. La fraîcheur de la pluie ne m'effraya pas, au contraire, un levain de fièvre, restant de ma récente maladie, la rendait dangereusement agréable pour moi. Redressant le collet de mon pardessus, je ne cessais pas de suivre le vieillard qui, malgré la pluie, continuait une promenade que l'encombrement de la rue avait d'abord rendue assez difficile. Quoique je le touchasse presque, crainte de le perdre de vue, il ne s'aperçut pas qu'il était suivi, car il marchait droit devant lui sans regarder ni à droite ni à gauche. Enfin, au moment où les trottoirs devenaient plus libres, il s'enfonça dans une rue de traverse où les passants semblaient plus nombreux que dans celle que nous venions de quitter. Je remarquai que dès qu'il ne s'était plus senti coudoyé par la foule, son allure avait changé. Il ralentit le pas et sa marche irrésolue devint celle d'un homme qui erre sans but. Trois fois il traversa d'un trottoir à l'autre sans but apparent. Le nombre des promeneurs, qui pendant quelque temps m'avait obligé à le suivre de fort près, diminua peu à peu, et le vieillard, qui me paraissait avoir observé avec inquiétude cette diminution graduelle, abandonna soudain la place. Une course rapide le conduisit dans un square débordant de monde. Alors son air d'irrésolution disparut. Il poussa un soupir de satisfaction et se plongea de nouveau dans la foule compacte. À ma grande surprise, au lieu de faire le tour de la place, il revint sur ses pas, se retournant si brusquement que nous nous trouvâmes face à face sans qu'il fît néanmoins attention à moi. Enfin, après une heure environ d'une promenade pendant laquelle il recommença plusieurs fois le même manège, notre marche cessa d'être gênée, car la pluie qui recommençait et l'air refroidi ne tardèrent pas à chasser les promeneurs. Le vieillard fit un geste d'impatience et s'élança dans une rue étroite et longue qu'il parcourut avec une activité dont je ne l'aurais pas cru capable. J'eus quelque peine à le suivre. Il s'arrêta enfin et laissa échapper un cri de joie en apercevant un passage brillamment éclairé où les piétons s'étaient entassés en attendant la fin de la pluie. J'y pénétrai à sa suite et il y recommença sa promenade sans but, se glissant toujours au plus épais de la foule. Les chaussures de caoutchouc que je portais par-dessus mes bottes me permirent de le suivre d'un pas silencieux. À peine avait-il fait deux ou trois tours qu'il entrait dans celui des magasins où il voyait le plus d'acheteurs, y restait quelques instants et s'éloignait sans faire d'emplette pour recommencer plus loin. Sa conduite m'intriguait de plus en plus et je résolus de ne pas le quitter avant de savoir au moins le premier mot de l'énigme. Nous nous promenions encore lorsque le timbre d'une horloge annonça 11 heures. Le passage désemplissait à vue d'œil. Un garçon de boutique heurta le vieillard avec un bolet qu'il allait poser. À ce signe de clôture, je crus voir un frisson parcourir son corps. Il s'élança brusquement hors du passage, contempla le carrefour désert, puis reprit sa course avec une rapidité incroyable à travers des rues raboteuses et désertes qui nous ramenèrent à notre point de départ, presque en face du Café D. Mais la foule avait disparu. Après avoir parcouru d'un air morne cette voie naguère si encombrée, le vieillard s'éloigna dans la direction de la Tamise. Après des détours sans nombre, nous arrivâmes devant un des principaux théâtres de Londres au moment où les spectateurs en sortaient. Le mystérieux vieillard se plongea de nouveau dans la foule, et l'angoisse que son visage exprimait peu d'instants auparavant sembla se calmer. Je remarquai qu'il suivait la direction qu'avait prise le plus grand nombre des spectateurs, mais ce fut en vain que je cherchai à deviner le motif de son capricieux vagabondage. À mesure qu'il s'éloignait du théâtre, le groupe nombreux que nous avions suivi s'éparpillait à tous les carrefours. Alors, l'indécision du vieillard reparut. Pendant quelque temps, il se mêla à une bande de jeunes gens qui s'en allaient en chantant. Mais ceux-ci aussi finirent par se séparer. Lorsque les derniers d'entre eux eurent disparu derrière une porte cochère, l'étranger s'arrêta un moment et parut indécis. Cependant, après quelques minutes de réflexion, il se remit en marche par une route qui nous mena presque aux limites de la ville, vers un quartier bien différent que ceux que nous avions traversés jusqu'alors. Nous cheminions dans le faubourg le plus infect de Londres, où tout portait l'empreinte d'une misère immonde, où quelques réverbères égarés éclairaient d'une lueur blafarde des masures vermoulues, mal étayées, et qui semblaient ne pas crouler uniquement par indécision, c'est-à-dire parce qu'elles ne savaient pas de quel côté tomber. Les pavés inégaux, sur lesquels on trébuchait à chaque pas, gisaient, çà et là, soulevés par les herbes qui croissaient dans les interstices. Un assemblage d'ordures puantes croupissait dans les ruisseaux défoncés. L'atmosphère était imprégnée de misère. Cependant, à mesure que nous avancions, les sons de la voix humaine commençaient à arriver jusqu'à nous. Bientôt nous rencontrâmes des bandes avinées recrutées dans les bas-fonds de la populace. Le visage du vieillard s'illumina d'une joie subite. Tout à coup, au détour d'une rue, nous fûmes éblouis par des flots de lumière. Nous étions devant des temples de l'intempérance, en face d'un des palais resplendissants du démon djinn. Le jour allait poindre, mais une foule d'infortunés se dirigeait vers cette boutique aux insolentes splendeurs, dont la porte au bâton mobile semblait s'ouvrir et se refermer d'elle-même. Le vieillard s'y précipita avec un empressement fiévreux et se mêla sans boire à la foule des buveurs. Il y était à peine que l'hôte annonça d'une voix impérieuse qu'on allait fermer. À cet avertissement, je pus lire sur le visage de l'être étrange que j'avais mis tant d'obstination à étudier un sentiment plus navrant que le désespoir. Pourtant, il reprit sa course avec une énergie sauvage et d'un pas qui semblait ignorer la fatigue. Rebroussant chemin, il regagna le centre de la grande ville. Je continuai à le suivre, plus résolu que jamais à pénétrer le secret de ce mystérieux vagabondage. Le soleil s'est élevé tandis que nous marchions, et lorsque nous arrivâmes, pour la troisième fois, en face du Café D, la rue présentait déjà un spectacle aussi tumultueux que celui qui avait attiré mon attention la veille. Je le suivis longtemps encore. C'était toujours la même course incertaine, sans but, incessante. Aussi, lorsque le jour commença à baisser de nouveau, j'étais accablé de fatigue et de faim. Me plaçant alors devant le vieillard, je le regardai en face. Il ne fit aucune attention à moi, mais, me tournant comme on fait une borne, poursuivit sa marche. Accablé de fatigue, mourant de faim, j'abandonnai enfin ma poursuite. Ce vieillard, me dis-je en le regardant s'éloigner, est le type, le génie du crime ténébreux. Il n'ose être seul. C'est l'homme de la foule. Je le suivrai en vain, car je n'apprendrai rien de lui ni sur lui. Le cœur que cache cette poitrine est un livre plus grossier que l'Hortulus Animae, et sans doute, c'est par un bienfait de la Providence que... Ainsi s'achève « L'homme dans la foule » par Edgar Allan Poe.